Iman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes le 12 mars 2019. Voici la dernière édition du journal parlé en français pour cette date. Le président de la Commission électorale nationale indépendante dit n'attendre que la promulgation du code électoral pour rendre public lui aussi le calendrier de ses activités électorales. Pierre Claver-Cazihissé l'a déclaré ce mardi lors de l'ouverture d'un atelier de renforcement de la culture démocratique. Et un spécialiste des partis politiques et des élections nous donnera des éclairages sur la différence entre le moment pour les partis politiques de publier leur projet de société et la campagne électorale. Entre-temps, le parti Savoyard Frodebois envisage de rééditer les 46 points du projet de ce parti, tel que c'était conçu en 1993. Et deux personnes accusées d'escroquerie par les réseaux sociaux ont été présentées ce matin par la police. La police qui affirme que même d'autres sont encore recherchés. Dans la chronique santé à la fin de ce journal, nous parlerons du traitement de la constipation. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isangani lo ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, la police burundaise a présenté devant la presse le matin de ce mardi deux personnes accusées d'escroquerie. Selon Pierre Mourikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, ces personnes utilisent les réseaux sociaux pour voler l'argent de la population burundaise. Il déplore le fait qu'il y ait encore des Burundais victimes de vol de leurs biens par cette voie. Il ajoute que d'autres escrocs sont recherchés pour être traduits en justice. On l'écoute. Le 4 février passé, ici à mairie de Bujumbura, les forces de sécurité ont appréhendé deux hommes et qui sont accusés d'escroquer les gens via les communications téléphoniques, via les réseaux sociaux. Une personne emprisonnée à la prison centrale d'Ombimba pour le même effet d'escroquerie et qui s'est donné le nom de l'abbé Emmanuel, mais il n'est pas prêtre, c'est un criminel. Il a appelé un citoyen burundais qui s'appelle Bikolimana Jean-Claude et qui réside actuellement au Malawi et lui disait qu'il était le général Ndayishimiye Evariste, le secrétaire général du parti au pouvoir, et qu'il voudrait faire un projet de commerce de l'or avec lui. La victime a compris qu'il s'agissait des escrocs et s'est déplacée au Burundi pour pouvoir aider les forces de sécurité à mettre la main sur ces criminels qui volent les citoyens paisibles. Et arrivé à Bujumbura, et comme la personne qu'il avait appelée ne pouvait pas quitter la prison centrale de Mimba, a envoyé deux autres complices comme des intermédiaires. Au moment où les deux s'entretenaient avec la victime, c'est là que la police est intervenue et parce qu'elle avait été informée par la victime et elle a appréhendé ces deux personnes. D'autres qui étaient de mèche ont pris le large et continuent d'être recherchés, ainsi que d'autres dans ce vaste complot d'escroquerie. C'est regrettable qu'il y ait encore à ce jour-ci des Burundais qui soient victimes de ce type de criminalité. C'était le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Grogne de 72 employés de l'agence de voyage au top qui viennent de passer 7 mois sans percevoir leur salaire. Selon eux, ils ont adressé 4 correspondances à la direction générale de l'agence au top pour réclamer leur salaire, mais en vain. Jean-Marie Niyongabo, fondateur et actionnaire de cette agence, précise que le problème réside entre les actionnaires mais tranquillise ses employés d'ici la fin de ce mois. Leurs salaires seront disponibles. Les détails avec Mireille Naomi Nitek. L'agence de voyage Top qui vend les billets d'avion et qui offre des services de déclarant au port de Bujumbura, ses employés se plaignent qu'ils viennent de passer 7 mois sans voir la couleur de leur salaire. D'après celui-ci, la vie est devenue dure pour eux. Nous avons un problème de non-légalisation des salaires à partir du mois d'août l'année passée. Et nous avons soumis ces questions et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas trouvé le résultat efficace concernant ce que nous pouvons être régularisé et ils continuent d'attendre jusqu'à maintenant. Leurs employeurs ne nient pas cette situation. Selon Jean-Marie Niyongabo, fondateur et actionnaire, indique que le problème est entre les deux actionnaires qui ne s'entendent pas sur la gestion de l'entreprise et que le problème est entre les mains des autorités habilitées. Mais promet à ses employés que le problème de leur salaire sera réglé d'ici la fin de ce mois. Cela a été dû de l'incompréhension sur la gestion. Le nouveau actionnaire donc préfère que l'entreprise et donc ferment ses portes au Burundi, qui ne continuent pas à exister. Et maintenant, moi, comme actionnaire, initiateur de cette entreprise, je l'assure que d'ici à la fin de ce mois, ils auront les erreurs, puisque la question est dans les mains du pouvoir public. J'espère que d'ici à la fin de ce mois, ils vont percevoir leur salaire respectif. Nous avons contacté l'autre actionnaire, Madame Consolata Atungimana, et nous a indiqué que l'affaire est entre les autorités compétentes pour résoudre cette affaire. Mireille Naomi Nitegeka, la Commission électorale nationale indépendante est à l'œuvre, même s'il y a ceux qui pensent que les membres de ces dernières ne font rien depuis qu'ils ont prêté serment à la fin du mois d'août l'année passée. Le président de cette commission, Pierre Claver Kazihissé, l'a dit ce mardi lors de l'ouverture d'un atelier de renforcement de la culture démocratique. À Pierre Claver Kazihissé d'ajouter qu'une fois le code électoral promulgué, la CENI va automatiquement rendre au public son calendrier d'activité électorale. Les détails avec Évariste Nzikobanya. Au cours de cet atelier de la CENI, les politiciens ont émis leurs avis et considérations sur le déroulement des activités politiques sur terrain. Abdoul Kassim, président de l'UPD, a mis l'accent sur le fait que certains des administratifs n'autorisaient pas les tenues des réunions. Nous ne savons que nous procédons par informer les autorités administratives les activités que nous allons mener. Mais ces autorités veulent qu'on leur demande des permissions, ce qui n'est pas dit dans la loi. Qu'est-ce qui doit être fait pour que cette loi soit interprétée de la même manière, pour que la valeur démocratique soit bien renforcée? Une activité qui n'incombe pas à la CENI, retorque Pierre Claver Kazihissé, qui ne passe pas par quatre chemins. Ce n'est pas la CENI qui doit vous dire ce qui doit être fait à ce sujet. L'important, c'est de vous asseoir et dialoguer pour que vous puissiez trouver une solution durable. Quand la loi est disponible, il est facile que les gens puissent se mettre ensemble pour trouver une solution. Les représentants des partis politiques et participants à cet atelier ont également demandé comment la CENI va se servir du code électoral qui n'a pas été consensuel. Nestor Girukushaka, du parti Congrès national pour la liberté, est parmi ceux qui sont inquiétés. Vous nous avez dit d'emblée que la bonne gouvernance est caractérisée par le dialogue. Est-ce que les gens se sont mis ensemble pour élaborer le projet de loi portant code électoral? Est-ce que ce dialogue a eu lieu? Est-ce que les politiciens ont été concertés pour avoir un code électoral accepté par tous les partenaires menant vers les élections transparentes? Serge Ndayiragije, un des commissaires de la CENI, trouve que cette commission n'y est pour rien. Cette dernière ne doit utiliser que les textes lui soumis par les pouvoirs hiérarchiques. Nous n'allons nous conformer qu'à la loi que vous allez nous soumettre. Au moment où vous ne nous envoyerez pas une loi consensuelle, la CENI ne peut rien car ce n'est pas elle qui élabore cette loi. Et à ceux-là qui pensent que la CENI croise les bras alors que les élections approchent, le président de la CENI tranquillise que cette dernière est à l'œuvre. Pierre Claver Kazihissé explique que le calendrier des activités électorales va être porté à la connaissance du public après promulgation du code électoral. Merci Évariste Nzikobanyanga. Et dans son analyse, le spécialiste des partis politiques et des élections, Denis Banchimiusa, a déclaré que les responsables des partis politiques au Burundi n'ont pas la culture de publier leurs projets de société. Il explique que cette activité est différente de la campagne électorale car les partis politiques doivent présenter leurs projets de société avant d'être agréés au ministère de l'Intérieur. Suivez-le. D'une manière générale, les partis politiques burundais ne s'intéressent pas beaucoup aux projets de société. Ils veulent seulement qu'ils soient appelés partis politiques, que les gens courent derrière eux, mais ils ne donnent pas aux projets de société le poids qui est le leur. Il ne faut pas confondre la propagande politique qui est une activité quotidienne pour tout parti politique. Parce que selon l'article 11 de la loi régissant l'organisation et le fonctionnement des partis politiques, il est permis à tout parti politique de tenir des réunions au cours desquelles il est autorisé à faire de la propagande politique. Et donc, c'est une animation politique et locale dans les communes, dans les provinces et au niveau national. Et là, ce n'est pas une campagne électorale. Pour une campagne électorale, c'est convoqué par un décret présidentiel, délimité en temps, et ça précède l'élection. Alors, une campagne électorale, c'est une propagande politique accompagné d'un face à face avec les électeurs à qui on dit votez pour moi. Tandis que pour l'animation politique qui est axée sur la propagande politique autorisée par la loi, il s'agit d'expliquer les points saillants de son projet de société. Pour être agréé, tout parti politique doit disposer d'un projet de société. On a un projet de société qu'il faut expliquer au peuple burundais pour qu'il sache la plus-value de son parti politique. Denis Vanchimiou, ça est le parti Sawanya Frodebou, a l'ambition de mettre en application 46 points de son projet de société datant de 1993. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de ce parti. Phenias Nigaba a fait savoir que parmi les axes prioritaires de ce projet de société du parti de Ndadaye figure le rétablissement des relations diplomatiques du Burundi avec d'autres pays et la lutte contre le chômage. Phenias Nigaba précise également que la gestion des partis politiques et la société civile est à réviser. On l'écoute. En général, le projet de société du Frodebou se résume sur les 46 propositions. Alors, le Frodebou avait les 46 propositions, même ces points-là sont encore d'actualité. Nous allons mettre en œuvre tout ce qui se trouve dans ces 46 propositions. Mais, à voir la situation maintenant dans laquelle nous sommes, nous allons également voir comment assainir les relations diplomatiques. Si on voit comment l'état de la coopération actuellement, vraiment c'est un état déplorable. Nous allons assainir cette coopération pour que les bailleurs de fonds, pour que les partenaires techniques et financiers puissent encore revenir ici au Burundi et financer des grands projets. Nous allons plaider à ce que les organisations qui ont été radiées de revenir ici au Burundi parce que ces organisations aider beaucoup dans certains secteurs de la vie nationale. Nous allons également voir comment redynamiser le système politique ici au Burundi. Ici, je parle des partis politiques. Nous allons voir comment donner la chance aux partis politiques de travailler, de ne pas s'ingérer dans les activités quotidiennes des partis politiques, de ne pas niaculiser les partis politiques. Nous n'allons pas favoriser ça. En plus de cela, nous allons voir comment les médias privés puissent encore travailler sur le sort burundais, parce qu'actuellement nous voyons que même les médias privés qui existent, ce sont des médias qui travaillent dans des coins perdus, qui ne travaillent pas sur toute l'étendue du pays. Nous allons encore favoriser à ce que les médias privés puissent voir le jour ici au Burundi, puissent encore donner la parole à tout le monde. Nous allons encore encourager la société civile de travailler parce que la société civile, normalement, ça donne chaque fois le clin d'œil au pouvoir sur les défis ou bien sur le mauvais comportement. Nous allons également encourager la société civile de travailler pour permettre à tout le pays de bien se développer avec tous les acteurs, sans exclusion aucune. Cette gratuité, ça entre déjà dans les 46 propositions. Nous connaissons l'esprit de cette gratuité. Nous allons nous améliorer cette gratuité, que c'est une gratuité totale. Si maintenant on dit que c'est une gratuité pour l'enseignement. Les élèves arrivent, les écoliers arrivent à l'école, on dit donner des frais pour les centenaires, donner des frais pour les toilettes, donner des frais. C'est une somme gigantesque pour les parents, alors que les parents sont pauvres. Nous, ça serait une gratuité totale. Nous connaissons pourquoi nous avons dit cela au niveau des 46 propositions. Pour les mères qui accouchent, nous allons nous améliorer cela parce que actuellement, on dit que les enfants sont soignés gratuitement. Mais on écrit des ordonnances pour les pharmacies privées. Nous allons faire une gratuité totale parce que nous connaissons l'esprit et l'âme de tout cela. C'est que ça entre dans les préoccupations du Frodebou. Nous allons mettre ça en application dans la transparence sans aucune lamentation. Isanganiro, la radio de l'avenir. On termine ce journal par la santé, les données, les informations correctes et les enseignements sur la santé sexuelle et de la reproductivité chez les adolescents et les jeunes âgés de 10 à 24 ans. Tel est le but du programme Menu Menyeche qui vise à sensibiliser les jeunes à s'abstenir de la sexualité précoce. Lors du lancement officiel de ce projet ce mardi à Mairie Bujumbura, le responsable de Menu Menyeche, Gordien Iradukunda, a appelé les bénéficiaires de ces enseignements de les transmettre aux jeunes élèves de différentes écoles. On l'écoute. Le programme Menu Menyeshe travaille sur toutes les communes du pays. C'est un programme venu du consortium de 4 organisations internationales. Ces organisations internationales interviennent via les organisations locales. Ce programme est venu du constat que les jeunes ont moins d'informations en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Le projet s'est engagé à donner les informations correctes et suffisantes à ces jeunes via les écoles, à travers les clubs santé et via les communautés, à travers les groupes de solidarité des jeunes. Nous attirons à sensibiliser ces représentants des autres afin qu'ils puissent restituer auprès de ces groupes qu'ils représentent. Quelles sont les valeurs ajoutées de ce projet Menu Menyeshe? Le projet Menu Menyeshe, c'est vraiment un grand projet qui couvre tout le pays. Ce n'est pas fréquent qu'on trouve un projet qui vient pour couvrir toutes les communes du pays. Et la valeur ajoutée, c'est que le projet a pris en considération tous les acteurs de la communauté, tous les acteurs de la vie sociale, économique du pays. Il y a les acteurs de la santé, les prestataires de soins, il y a les agents de santé, il y a les autorités locales, il y a les représentants des jeunes, les leaders religieux. Tout le monde est représenté. C'est ça la valeur ajoutée. Et quelle est la somme nécessaire pour que ce projet puisse être exécuté? Le projet aura utilisé à la fin de 2020, aura utilisé une somme de plus de 17 millions d'euros. Radio Isanganiro, chronique santé. Il existe des médicaments pour traiter la constipation afin de faciliter l'évacuation et la digestion. L'interniste docteur Angélique Nyokindi explique que dans ce cas, des examens comme l'examen des selles sont faits pour en chercher la cause. Docteur Nyokindi nous avait dit dans la chronique précédente qu'on remarque qu'une personne a de la constipation lorsqu'elle peut dépasser 24 heures sans faire le grand besoin. La chronique santé avec Ornella Mucho. Lorsque la constipation survient brutalement, elle peut être le signe d'une maladie grave. Le médecin fait recours en général à un examen de selles pour chercher la vraie cause de la maladie. Mais il existe d'autres examens qui se font rarement, selon le docteur Angélique Nyokindi, si la constipation devient chronique. Il y a un examen qu'on pourra faire, surtout chez ceux qui ont des complications chroniques. Ça veut dire qu'on va quantifier la quantité de matière fécale que la personne peut sortir. Et là, le plus souvent, on le fait sur 24 heures. On va essayer de se donner le temps. Et là, on va vous demander de mettre tout votre déchet dans un bocal. Et au bout, soit de 24 heures ou de 72 heures ou de 3-4 jours, selon votre évacuation, on va le peser et on va dire réellement qu'il y a une constipation. Mais là, c'est que ce n'est pas un examen qui est fréquent. On le fait dans des services bien spécialisés. Sinon, on pourra faire l'examen sel, on pourra faire l'échographie abdominale ou même le scan abdominal, mais là c'est à la recherche de la cause de cette constipation ou bien à la recherche des complications. Si la constipation persiste, certaines complications peuvent parfois survenir, ce qui peut conduire à un traitement chirurgical. La complication majeure, c'est l'inflammation de l'intestin, là où le bol alimentaire s'est arrêté. Il peut y arriver qu'il y a une inflammation, et là, s'il y a inflammation au niveau intestinal, qui pourra même se compliquer vers une perforation liée à ce stase des selles qui sont devenues sous forme de pierre, là, ça va nécessiter même un traitement chirurgical. Ça sera une urgence chirurgicale. Les autres complications, c'est surtout l'altération de l'état général ou l'amaigrissement très prononcé qui est lié au fait que, comme le patient sait qu'il ne va pas évacuer les déchets, il a peur de manger. Ou bien, comme il a passé beaucoup de jours sans évacuer le contenu intestinal, ça va revenir par la bouche. L'autre complication, ça pourra donner des fissures au niveau de la marge anale et donc des petits saignements. L'interniste Angélique Nyokindi indique qu'en général, la constipation est bénigne et disparaît d'elle-même en quelques jours grâce à un régime alimentaire adapté. Le gros du traitement, il est basé sur l'hygiène alimentaire, le régime hygiéno-diététique. Il faut que la personne soit en mouvement, fait des activités physiques. Il faut que notre organisme bouge. Ça, c'est la première et la plus importante. La deuxième, ça concerne l'alimentation. Il faut une alimentation équilibrée, mais en privilégiant les légumes et les fruits. Et puis, les autres pathologies, on va consulter. Pour la catégorie des symptomatiques, on va traiter les étiologies. Il y a le traitement de l'étiologie qu'on ajoute à ce régime, mais aussi il y a des médicaments dans le cadre des laxatifs qui facilitent l'évacuation et ceux qui vont faciliter la digestion. Il faut faire un calendrier d'évacuation des selles. Le plus souvent, on prend le matin et le soir. Ce médecin conseille aux mamans d'allaiter régulièrement pour prévenir que leur bébé ne soit constipé et doivent cependant surveiller leur alimentation. Merci Ornella Mucho, merci Dr Angélique Niokindi pour ces éclairages sur le traitement de la constipation. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eli Kadogo pour la mise en œuvre. Jean Bosco Ndouimana, passez une très bonne soirée.